الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في فضل ربي dans le livre nommé Fadlu Rabbil Bariya bi Sharhi Ad-Durari Al-Bahiyya, dans l'explication des belles perles de l'imam Shawkani rahimahullah. Et nous sommes précisément dans le chapitre de la zakat. La zakat. Donc, nous avons vu la semaine passée le début de la zakat concernant les animaux. Zakat al-hayawan. Et on a vu, premièrement, la zakat sur les chameaux. Toyib. Donc ici, nous avons détaillé concernant les chameaux, à combien de chameaux on doit commencer à donner la zakat. Naam. Cinq chameaux. Et lorsqu'une personne a cinq chameaux, il doit donner combien? Naam. Un mouton. Taïb. Donc, ma première question, quels sont les différents types de biens dont il est obligatoire de faire les zakat en islam? Quels sont les différents types de biens? Nous avons d'abord combien de types de biens? Naam. Hein? Cinq, faut les citer. Qui va les citer? Il y a des absents aujourd'hui. On dirait qu'ils ont, choisi de ne pas venir vite. Naam. Naam. Les bestiaux, Bahimatul Anam. C'est quel bestiaux? Les nams. Les nams, c'est-à-dire les animaux qu'on possède. Les animaux qu'on possède. Ce n'est pas tout type d'animal qui a la zakat. Hein? Mais les animaux qu'on possède, nams, les chameaux, les bœufs, et les moutons. Les moutons seulement? Les brebis. Non, les brebis rentrent dedans. Al-Ghanam, c'est les moutons et puis les brebis. La fois passée, j'avais dit les moutons seulement. Hein? Les moutons, les vaches, les bœufs. C'est ce qu'on appelle les vaches. Hein? Maintenant, il y a des al-ghanam, ce sont les moutons et les chèvres. Adawas sahi. Donc, la fois dernière, je me suis trompé. Ça va? Ce sont les moutons et les chèvres. Ça va? Donc, c'est le premier type. Et le deuxième type? De bien. Aru Tijara, les expositions commerciales. Naam. Explique, les expositions commerciales, ça veut dire quoi? Les marchandises. Ce que tu vends, tu dois faire la zakat dans ce que tu vends. Ça va? Et troisièmement, les cultures, c'est vaste. Al-Haboub wa-Simar, les graines et les fruits. Ça va? Culture, c'est vaste. On peut cultiver quelque chose à cause des feuilles seulement. Ou bien. Mais les graines telles que le mil, le maïs, le sorgho, tout ce qu'on on plante et ça fait sortir des grains. Alors lorsqu'on cultive cela, comme Allah dit, « Wa'tu haqqahu yawma hasadi » Donnez son droit lorsque vous les récoltez. Taïm. Donc, il y a les fruits aussi. Par exemple, si tu as un verger de mangue, et lorsque tu récoltes ces mangues-là, c'est-à-dire ces mangues sont mûres et tu commences à les enlever, tu dois aussi donner la zakat. Ça va? Et troisième type, quatrième type. L'or et l'argent, l'argent blanc. Ça va? Non. L'or et l'argent. Ça, c'est le quatrième. Ensuite, le cinquième. Les trésors qu'on trouve dans le sol. On appelle cela Al-Ma'adin Warvikaz. Donc, il y a un sixième. On a dit cinq. Non. L'or et l'argent rentrent dans cela, c'est ce qu'on a dit à Naqdan. Ça va? Dans cela rentrent les awraq an-naqdiyya, c'est-à-dire les billets. Ça va? Parce qu'à l'époque, on prenait l'or et puis l'argent pour faire les échanges. Ça va? Lorsqu'on dirait le dirham, le dinar, c'était de l'argent blanc avec de l'or. Donc lorsqu'on dit an-naqdan, rentre dans cela al-awraq an-naqdiyya. Ça va? Les billets. C'est compris? Donc ici, on a 5. C'est ça? Taïb. Donc, quelle est la définition? Quelles sont les conditions de l'obligation de la zakat? Quelles sont les conditions de l'obligation de la zakat? Non? On a combien de conditions d'abord? Combien de conditions? Non? On a combien de conditions? Deux conditions. Aïwa. On a combien de conditions? Trois conditions. Quelles sont les conditions? Qu'il soit musulman? Non. On a combien de conditions? On a trois conditions, non? Le quota, très bien. Le quota, un tablera, un nisab. Ça doit atteindre le quota. Ok. La deuxième condition, an yahoula alayha al-hawl. L'année passe dessus. Et troisièmement, la zakat sur les animaux, par exemple. Non. L'animal doit consommer ce qui n'est pas, que la personne n'a pas fourni de produits. Non. C'est ce qu'on a dit, antakuna sa imatan. Al-ghanam, yani al-an'am. Même les hubub. Ça va? Même les hubub, cela rentre dedans. Par exemple, si tu plantes du maïs ou bien du grain, et que c'est toi-même qui arroses, et c'est la pluie qui descend dessus, ce n'est pas la même chose. Ça va? Non. Toyib. Quel est le nisob dans les chameaux? Le nisob, le quota. Non? C'est 5 chameaux. Barakallahu fik. À partir de combien de chameaux nous donnait Ibn Laboun? À partir de combien de chameaux nous donnons Ibn Laboun? Ibn Laboun même, c'est quoi d'abord? Non? C'est un chameau de 2 ans. Ibn Laboun. Ça va? Ibn Laboun, on donne à quel moment? À quel moment, si les chameaux, ils atteignent quel nombre? Non? Hein? Quand ils atteignent 25 chameaux, je ne suis pas d'accord. Quand ils atteignent combien? Ibn Laboun. Je dis, je ne suis pas d'accord. Hein? Non, à partir de 25 chameaux, bien sûr qu'il y a Ibn Laboun, mais il y a encore. Il y a encore quoi? Bintou. Hein? Non, Moussal. Hein? C'est à partir de combien on donne Ibn Laboun? C'est à partir de 25. Et on donne avec Bintou Mahad. Soit lui, soit l'autre. Ça va? Taïb. Et à partir de combien de chamelles, de chameaux, on donne Ibn Mahad? Ibn Mahad. Hein? C'est à partir de 25. 25, c'est Bintou Mahad. J'ai dit Ibn Mahad. Non. À partir de 36. Là, ça c'est Bintou Laboun. À partir de 36. Si vous n'avez pas vu, vous dites non, on n'a pas vu cela. Ou bien? Hein? Ou bien vous n'êtes pas sûr de vous-même? Donc c'est simple. Non. Abdulaziz dit qu'il a la réponse. Aïwa. Envoie-moi la réponse par écrit. Non. Voilà quelqu'un qui reste loin là-bas. À partir de combien de chamelles on donne Hikotan? Hikotan. Hikotun, c'est quelle chamelle? Non. De trois ans, c'est ça? On donne à partir de combien les chameaux? À partir de combien? 91 chameaux jusqu'à 120. On donne Hikotan. Toyib. Maintenant, comment nous comptons si les chamelles dépassent les 120? Comment nous comptons et à combien de chamelles nous donnons? Et quels sont les types de chamelles que nous donnons? Mon ami, pardon, il faut reculer. Non. Quand ça dépasse 120, on compte combien? Nabil. Chaque 40. Ok, on donne. C'est un chameau ou bien c'est une chamelle? Une chamelle de 2 ans. À chaque 50, on donne une chamelle de 3 ans. C'est-à-dire, ça dépend maintenant de la personne. Si la personne décide de compter, Abdelaziz dit, c'est à partir de 25. C'est ce que vous avez dit le dars passé. Pour chaque 40 ou 50. Ya Rajul Kod Abad Tanaja. C'est maintenant on vient de poser cette question. Ou bien? Barakallahu fik. Tu as fait beaucoup d'efforts. Allah te préserve. Tayyib. Donc ici, à partir de 120, 121, ça va? On commence à compter. Soit on compte sur chaque 40, on donne une chamelle de 2 ans. Sur chaque 50, on donne une chamelle de 3 ans. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve. Alors ici, le cheikh Ali Ramli, on va encore revenir dessus pour que vous puissiez bien mémoriser. Toyib. Car on n'avait pas fini d'expliquer. Le cheikh Ali Ramli dit, Saniyan kam al-miqdar. Quelle est la mesure et combien est la mesure? Alladhi yajibu an yukhrija idha balagha al-ibl an-nisab. Quelle est la mesure et combien est la mesure lorsque les chameaux atteignent le nisab? Le nisab, c'est quoi? Non. Le quota. Tayyib. Idha balagha al-iblu khamsan fa fiha shat. Si les chameaux atteignent 5, on donne un mouton en zakat. Et pour mieux détailler cela, comme on a dit la fois dernière, si les chameaux sont 5, le moment où tu as les chameaux, tu as 5 chameaux avec toi. Si c'est dans le mois de Muharram, jusqu'au mois de Muharram l'année prochaine, si tu as toujours le nombre de 5 chameaux, alors tu dois maintenant donner la zakat. C'est compris? Mais on a dit la fois dernière que s'il arrive que avant le mois de Muharram qui arrive, d'un mois ou bien de 2 mois, que tu perds un chameau, alors la zakat n'est plus obligatoire sur toi. Sauf si tu as eu un autre chameau, ensuite tu commences à compter du moment où tu as eu l'autre chameau jusqu'à l'année prochaine. La même date. Non? C'est compris? Idha balagha al-ibl khamsata ru'us. Si les chameaux ont atteint 5 têtes, wa hala 'alayha al-hawl, et l'année a passé sur les 5, Wakanat sa imatun. C'est une chamelle qui n'a pas été nourrie par des efforts. Ça va? Wakanat sa imatun. Wajaba an yukhraja. Il est obligatoire de donner un mouton comme zakat de ses chameaux. Ça va? Tu as compris? Tu n'as pas compris? J'ai dit sans effort, parce que l'effort que tu fais, si tu plantes, ou bien tu achètes des herbes pour venir lui donner, il n'y a pas de zakat sur cela. J'ai dit bien sans effort. Ok? Non. Summa fi kulli khamsin shat. Ensuite, chaque cinq, on compte un mouton. C'est-à-dire, à partir de cinq, on donne un mouton. Ensuite, maintenant, on compte chaque cinq. C'est-à-dire, si tu as cinq, tu donnes un mouton. Six, un mouton. Sept, un mouton. Huit, un mouton. Neuf, un mouton. Et dix, maintenant, tu es passé au deuxième cinq. Ça va? Donc, tu donnes maintenant deux moutons. Jusqu'à 15, tu donnes 3 moutons. Jusqu'à 20, tu donnes 4 moutons. Jusqu'à 25, tu donnes... Ah ouais, vous êtes tombé dans mon piège. 5 moutons. Tu donnes quoi? Une chamelle d'un an. Bintoumakhab. Une chamelle d'un an. À partir de 25 chameaux. Et ici, même si parmi tes chameaux que tu comptes là, il y a un bébé dedans, tu le comptes aussi. Ok? Non. Hein? Non. Le chat, ce qui est connu dans le chat, c'est Ismoudjins. Ça va? Ismoudjins, c'est-à-dire, c'est un nom qui englobe les différents types. S'ils avaient envoyé, par exemple, le type de mouton, comme les charouf, par exemple, ou les kabsh, on allait dire c'est un bélier ou bien c'est telle chose. Ok? Oui. Non. Parce que ici, l'âge n'est pas défini. Ok? Toyib. Faïda malakat khamsan. Fatakhruju alayha shat. Si tu détiens, Zamalak ta khamsan, si tu détiens cinq chameaux, tu donnes un mouton en aumône, c'est-à-dire en zakat. Wa zamalak ta sittan, takhruju shatan. Si tu détiens six, c'est la même chose. Sept, c'est la même chose. Huit, c'est la même chose. Wa hakaza, hatta tasila ila al-ashra. Jusqu'à ce que tu atteignes dix chameaux. وتسمى هذه الأرقام ما بين الخمسة إلى العشرة أوقاسا. On appelle ces rakmes-là أوقاس. C'est-à-dire ces nombres qui est entre 5 et 10. أوقاس, c'est-à-dire ce sont des nombres qui ne sont pas considérés. Ça va? 5, 6, 7, ce n'est pas toujours considéré. 8, 9, jusqu'à 10. À partir de 10, on commence à compter. Donc, voilà pourquoi l'échec dit, on appelle cela Aouqa Son. Et ici, Wasayati Tafsiru, et on va expliquer cela. Wadi la Shei Afi. Alors, c'est Aouqa Son, il n'y a rien à donner comme zakat dessus. Innamal Wadi Fima Ayyana. Ce qui est obligatoire, c'est dans ce qui a été précisé. Ça va? Fil Khamsi Shad, 5 chameaux, un mouton. Fil ashri shatan, 10 chameaux, 2 moutons, wal khams ashara salas shia. Ça va? 15, on a 3 chameaux. Wal ishurun arba, moutons. Wal ishurun arba shia. Et aussi, 20 chameaux, on a 4 moutons. Il a arba wa ishirin, jusqu'à 24. Fafiha arba, toujours ces quatre. Ça va? Ensuite, faïda balagat khamsan wa ishirin. Si le chameau maintenant atteint 25, Fafiha Ibn Tumahadin ou Ibn Laboun. Ça va? J'avais promis de vous donner un tableau, mais vous-même, vous pouvez faire le tableau. Ça va? C'est-à-dire, vous pouvez écrire 5 jusqu'à 24, un mouton. Et de 5 jusqu'à 24, c'est 4. C'est, vous mettez 5, un mouton, 10, 2 moutons, 15, hein, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez aussi compter à partir de 25, on va donner de 25 à tel nombre, qu'est-ce qu'on doit donner? Vous mettez maintenant égal et puis vous écrivez. Voyez, ça vous permet de mieux bosser. Qu'Allah facilite. Donc, ici, إِذَا صَارَ إِنْدَكَ خَمْسَ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ. Si tu détiens 25 chameaux, tara que tu gardes, c'est-à-dire tu nourris, minal ushbi de l'herbe alladhi khalaqahu Allah qu'Allah a créé ta'ala. Même les pailles que tu achètes, Allah a créé, mais c'est une expression ici qui montre que, c'est-à-dire quand la pluie descend, les herbes qui poussent là, qui a fait effort pour faire pousser là-bas? Personne, n'est-ce pas? Donc maintenant, si le chameau, il mange de ces herbes-là, les chameaux. Et walay salaka fihi amal. Et tu n'as rien fait pour faire sortir ces herbes-là. Wa huwa al-ushbul mubah. Et aussi, c'est l'herbe autorisée. Pourquoi on dit autorisée ici? Non. Pas volé. Toyib. Non. Voilà, tu n'es pas allé garder, tu n'es pas allé le, tu ne le fais pas manger dans la propriété de quelqu'un. Ça va? Donc, wa mada alayhi am, et l'année a passé de cette manière, fa kam yukhraj alayhi, combien on fait sortir? Ça, on va généralement dans les villages. Ça va? Et là, 20 bœufs par exemple. Et chaque matin, il y a un enfant qui garde. Il sort avec les bœufs, il va les faire manger et il revient le soir. Ça va? Ces bœufs-là, ils vont manger quoi? L'herbe qu'Allah a créée. Ça va? Donc, c'est sur ceux-là qu'il y a la zakat. Mais les bœufs qu'on a attachés, par exemple, à la maison, on va acheter de l'herbe, on va faire des efforts pour couper quelque part là-bas, avec difficulté, et ils ne rentrent pas dans ce qui a été dit comme zakat. Ok? Même s'ils atteignent le nisab, il n'y a pas de zakat dessus. C'est compris? Donc si... Non. Tu n'as pas compris la partie coupée là. Même si il va couper, alors qu'il n'a pas acheté, ça rentre dans les efforts. Ça rentre dans les efforts. Donc ici, combien il doit enlever si ça atteint 25? Hein? Fafiha ibnatu makhad. Wahiya al-unsa, c'est la femelle minal ibil de chamel allati akmalat sana, qui a complété un an. Qawlu, et sa parole, ibn laboun. Ou bien ibn laboun. C'est le mâle qui a complété 2 ans. Donc ici, fa'anta mukhayyar. Tu choisis baina ibnatul makhat ou bien ibn laboun. Tu choisis entre les deux. In malaktal ithnain, si tu détiens les deux, tu choisis. Mais si tu ne détiens pas les deux, tu prends ce que tu as. Ça va? Mais si tu détiens les deux, tu choisis ce que tu veux donner. Ça va? Si l'autre c'est plus précieux pour toi que l'autre, tu donnes l'autre, ce qui n'est pas trop précieux. Parce que parmi les nasihas de à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à Moaz, qu'est-ce qu'il a dit? Iyaka wa karaim amwali. Ok? Naam. Donc ici encore, summa yabqa miqdaru zakat kama huwa. Ensuite maintenant, ça reste dans cet état-là. De 25 jusqu'à atta yablugha 36. Jusqu'à ça atteint 36. Ça se limite à 35. À partir de 36, on commence un autre compte. On commence avec autre chose. Ça va? De 25 jusqu'à 35, c'est la même chose. Soit Ibnatu Mahad ou bien Ibn Laboun. C'est compris? Soit une chamelle d'un an ou bien un chameau de 2 ans. Ça va? Toyib. وَتُسَمَّ هَذِي أَوْقَاسًا. On appelle ces comptes-là, ce qui est entre 25 jusqu'à 35, c'est des أوقاس. On ne considère pas ça. C'est compris? فَلَا شَيْءَ فِيهَا. Il n'y a rien dessus. قَوْلُهُ. Ensuite, sa parole, il dit فِي سِتِّنْ وَسَلَاثِينَ إِبْنَةُ لَبُونَ. Ça va? إِبْنَةُ لَبُونَ. 36 chameaux. Il doit donner en zakat Ibnatu Laboun. Ibnatu Laboun, c'est quoi? C'est une chamelle de Tayyib. Il a balagha al-ibl 36. Si le chameau atteint 36, fayakhruju Ibnatu Laboun. Il donne en zakat Ibnatu Laboun. Wa hiya al-unsa, c'est la femelle, akmal as-sanatayn, qui a complété 2 ans. Summa yabqa, ça reste. Yakhruju hadhihi al-unsa, il donne cette femelle en zakat à partir de 36, allati akmalat sanatayn, qui atteint les 2 ans. Ça va? Ila 45 jusqu'à 45 chameaux. C'est compris? Il donne cela jusqu'à 45 chameaux. Tayyib. Donc, à partir de 36 jusqu'à 45, qu'est-ce qu'il doit donner? Une chamelle de 2 ans. Tayyib. Ensuite, maintenant, on passe de 46. Naam. Ah? Al-Hiqqa. Je ne comprends pas. Une chamelle de 2 ans. Et puis tu donnes. Une chamelle de 3 ans ou bien de 4 ans. Donc, la règle ici, dans la zakat, ce qui est obligatoire sur toi. Maintenant, si tu veux donner plus, Azalik. Ou Azalak. Ça va? Non. Ça va? La zakat est comme ada. C'est quelque chose, c'est comme un remboursement d'une dette qui est sur toi. C'est une obligation qui purifie ton bien. Ça va? Et la règle, c'est que ce qui est obligatoire sur toi est obligatoire sur toi. Tu dois le faire, voilà la limite. Si maintenant, toi, tu veux donner plus, falaka ajruhada. Tu as le mérite de cela. C'est comme quelqu'un qui doit donner sa zakat. Il précipite. C'est-à-dire, sa zakat, c'est Zulhijja, par exemple. Et il doit attendre jusqu'à Zulhijja avant de donner sa zakat. Mais le mois de Ramadan arrive et il voit que s'il donne la zakat pendant le mois de Ramadan, ça sera encore plus bénéfique et les gens vont profiter. Alors celui-là, il peut donner, il peut faire le tajil, il peut précipiter même si le délai n'est pas arrivé. Ça va? Mais la limite, c'est Zulhijja. Il ne doit pas dépasser Zulhijja. Maintenant, s'il veut donner plus que ce qui lui a été imposé, Adallahu Aydon. Toyib. Non. Comment? C'est pas annulé, il est dans le péché, il doit rembourser même. Il se répand et puis il paye. C'est pas annulé. Hein? Deynullah. Ça, c'est la dette d'Allah. Ahak wa yukda. C'est lui qui fait quoi? Ruse. Oui, ça peut arriver. On ne risque pas avec Allah. Il a le péché. Non. Les intérêts. Terrain. On va arriver dessus. Le terrain, si c'est déposé pour vendre, non. Il y a la zakat dessus. Ça rentre dans Arud ou Tijara. C'est compris? Ça rentre dans Arud ou Tijara. Ada, c'est la parole en tout cas que j'ai vue comme prépondérant. Il y a deux savants qui ne mettent pas cela dedans, mais tout ce qui a été déposé pour vendre rentre dans Arud ou Tijara. Ça va? Non. Toyib. Donc, à partir de 46, il donne quoi? Une chamelle de 3 ans. 46. Hikkatun. C'est ça? Hein? 46. Regarde devant toi. À partir de 46. Fisitin wa arbaïna. Hikkatun. C'est-à-dire, izabalagat. Iblu, sitan, wa arbaïna, tu vas sortir. Wa arbaïna, 46, il donne, fayajibu alayhi an yukrija, hiqqatun. Il doit faire sortir, hiqqa. Wa yal unsa, allati akmala salas, sanawat. C'est la femelle qui a complété 3 ans. Elle a été nommée de cette manière, pourquoi? Hiqqatun. لأنها صارت parce que en ce moment à partir de 3 ans في سن elle est à l'âge تستحق أن يطرقها الجمل c'est-à-dire le chameau elle mérite que le chameau monte sur elle بمعنى بجامعها c'est-à-dire يجامعها et le chameau maintenant cherche à faire le coup يسمى في اللغة صفادا on appelle ça صفاد. Quand il s'agit des animaux, c'est dans le sens de nika. Le nika veut dire le coït. Ça va? Ça veut aussi dire le mariage. Mais ce qui est connu chez les Arabes, le nika aussi veut dire coït. Voilà pourquoi le professeur Hassan dit, c'est-à-dire une femme qui est en état de menstruer, fait tout. C'est-à-dire, vous pouvez profiter d'elle. Bien sûr, il y a des restrictions là où on ne doit pas arriver. Mais à Rasoul sur le samedi, il faut nika. Faites tout, sauf nika. C'est-à-dire, sauf le coït, en état de menstruer, n'est-ce pas? Donc, le nika veut dire le coït. Ok? Ça, c'est chez les hommes. Maintenant, chez les animaux, ils appellent cela sifaden. Ça va? Wa sifat fil hayawanat. Le sifat c'est au sujet des animaux. Wa huwa bimana nazu zakar ala l'unsa. Nazu zakar c'est la copulation ou bien le fait qu'il monte sur la femelle. Le mâle monte sur la femelle. Hein? Copu? Accouplement. Summa ما بين ستين وأربعين وإحدى وستين أوقاسا Ce qu'il y a entre maintenant, 46 jusqu'à à combien? 61. C'est Aukas. Il n'y a rien à donner là-dessus. On prend le même compte. Haqqatun. Jusqu'à 61. Ça va? Jusqu'à 61, on passe à autre chose. À partir de 61. Ok? Ensuite, à partir de 61, fi ihda wa sittina, c'est jaza'atun. Et ce jaza'a, on le compte jusqu'à khamsin wa sab'in. De 61 jusqu'à 75. Wal jaza'a, la jaza'a, c'est la femelle qui atteint 4 ans. Ça va? Qui atteint 4 ans. Ça va? Wa fi sittin wa sab'ina, maintenant, à partir de 76, Ibn Talaboun, c'est deux femelles de 2 ans. Ça va? Deux femelles de 2 ans qu'on donne en zakat. Il a Tisrin jusqu'à 90. 76 jusqu'à 90, on donne combien? Deux femelles de 2 ans. Très bien. Fa'inaou yukhrij bintay laboun. Il fait sortir deux femelles de 2 ans. Aï, isnataini kod akmalat kulla wahidatin amen. Il donne deux. Chacune d'entre elles a atteint 2 ans. Kaoulou, et sa parole. Wa fi ihda wa tisaina hiqatani. À partir maintenant de 91 jusqu'à 120. Suite à 91 chameaux, jusqu'à 120 chameaux, il donne combien? Deux chamelles de 3 ans. Hiqatan. Deux chamelles de 3 ans. Ça va? Faiza zadat. Si ça augmente maintenant, si 120, fa fi kulli arba'ina. Chaque 40, on compte maintenant à partir de 40-40. Ça va? Ibnatul Laboun. Une femelle de 2 ans. C'est-à-dire si, par exemple, j'ai 250 chameaux. Qui va me faire le calcul rapide? Faites sortir vos calculatrices si vous voulez. 250 chameaux. Ce qui est le plus facile, quel est le plus facile ici? C'est 50. Ça fait 5 de 3 ans. 5 chamelles de 3 ans. La zakat n'est pas fascinée. C'est le gars quand il regarde qu'il doit donner 5 dans 250. Il trouve que c'est une fortune. Il faut t'asseoir, Iglis. Il trouve que c'est une fortune. Hein? Qu'Allah nous préserve. Donc, wa fi kulli khamsina hiqqatun. Et puis surtout un chamel de 3 ans qui est déjà arrivé. Lui doit donner jusqu'à 5. Il a 250 chameaux. Il doit donner jusqu'à 5. Imagine ces 5-là, s'ils ont fait tous des enfants, ça va combien? Il commence à calculer maintenant. Il conjugue. Ah, ça là, c'est compliqué. Hein? Et puis tu vas prendre pour donner à quelqu'un comme ça. Donc lui, il dit, mais je vais donner à quelqu'un comme ça. La personne n'a rien fait. Moi, j'ai fait, il faut. Il n'a rien fait. Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde al-iman. Wa taslim, aïdon. Qu'on se soumette à ses ordres. Mais s'il donne cela, Allah va multiplier pour lui. Mais c'est la foi qui comprend cela. Et qui comprend ça. Ok? Car on nous accorde la foi. Parce qu'on a l'amour hakeza. Donc, ça va être compté de cette manière-là. Vous avez compris? Ah. Fa'inaou yuqassim. Iblaou, c'est-à-dire il partage maintenant, c'est-à-dire il a 50 ou 40. S'il veut, il partage à partir de 121, c'est à lui de voir le nombre qui convient le plus. Ça va? S'il a 125 chameaux, c'est 5-5 qui est le plus? Non, c'est 40-40. Parce que 40 fois 3, ça fait combien? 120. 40 fois 4. Hein? 160. Non, c'est que c'est 50 qui est plus. S'il a 125. Hein? C'est 40 qui est proche. Hein? Il va donner 2 et puis il va laisser 25 comme ça. Aïwa, donc c'est 40 qui est plus proche. Ça va? On va même voir cela ici, Inch'Allah. Donc ici, le cheikh vous a donné un tableau. Vous avez déjà un tableau. Khams ru'us min al-ibil jusqu'à 24. Fi kulli khams nshat. Ça va? Il y a un mouton pour 5, chaque 5. Maintenant, à partir de 25 jusqu'à 35, c'est ça? Bintu Mahad ou Ibnu Laboun. C'est-à-dire une femelle de 1 an ou un mâle de 2 ans. Toyib. Une femelle de 1 an ou bien un mâle de 2 ans. Toyib. Maintenant, à partir de 36 jusqu'à 45, c'est bientôt la boune. C'est femelle de 2 ans. C'est ça? Maintenant, 46 jusqu'à 60. C'est femelle de 3 ans. Non. Et il voulait demander la femelle de 2 ans. C'est chameau qui a atteint 2 ans. Son enfant vient. C'est le chameau même, c'est lui-même. C'est-à-dire une femelle de 2 ans. C'est-à-dire, si tu as une petite chamelle chez toi, qui a atteint 2 ans, c'est de ça qu'on parle. C'est ça que tu dois donner en zakat. Pas la maman. Pas la maman. Non, c'est pas la maman. Hein. L'enfant. Oui, l'enfant qui a atteint 2 ans. Est-ce qu'on peut faire des calculs avec des chameaux? Des chameaux, c'est-à-dire. Je ne comprends pas. Non, c'est ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est ce qu'on doit suivre. Ça va? Man zada ala zadika fa huwa khairu la. Ok? Non. Donc, à partir de 46 jusqu'à 60, c'est hiqqatun. Hiqqatun, c'est quoi? Une chamelle de 3 ans. Maintenant, de 61 jusqu'à 75, Jazatun, c'est une chamelle de 4 ans. Ensuite, de 76, c'est ça? Jusqu'à 90, Binta Labounin, deux chamelles de 2 ans. Ok? À partir de 91 jusqu'à 120, deux chamelles de 3 ans. Maintenant, fa aksar min zalik, ce qui s'augmente à cela, fa fi kulli arba'ina bint laboun. Chaque 40, nous avons une femelle de 2 ans. Chaque 50, nous avons une femelle de 3 ans. Falnakul, qu'on dise, inna indahu mi'atay ras min al-ibil. Si la personne a 200 chameaux, fa kam yakuna alayh. C'est combien? A Jawab, la réponse, le cheikh dit, Anana nastati wa nuqassim. Nous, on peut partager, kaifa nasha, comme on veut. Imma arba'inat, soit on compte les 40-40, ou khamsinat, ou bien on compte les 50-50. Fa imma nukhrija khamsa banati laboun, on peut sortir 5, ça va, banati laboun, Saint Chagmel de 3 ans et de 2 ans. Ou Arba Hekad. Ça va? Non. 3 Chamel. Hein? 4 Chamel de 3 ans. Al-Muhim, ce qui est le plus important, An-Nastawiba Al-Adad. Qu'on puisse, yani, du mieux que nous pouvons contenir le nombre. An-Nastawiba Al-Adad. Si on voit, par exemple, comme le cheikh il va dire, Sima Amkan, yani, il a Indak. Si tu as 121, Takhruju Anha Salas Banat Laboun, tu donnes 3 femelles de 2 ans. Walan tatruka siwa wahida. Tu ne vas laisser seulement que un. Dans le compte. Bainama, alors que la akhraj tahikatan, si tu avais sorti 2 femelles de 3 ans, sa tatruku, tu vas laisser combien de chamelles sans compter 21. Ou bien, tu vas laisser 21. Parce que tu vas compter 50-50, ça fait déjà 100. Maintenant, les 21 qui restent, c'est beaucoup. Hein? Donc, ce qui est le plus important, c'est que on cherche à contenir le nombre. Ça va? Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Wala kullu ja mufassalan. Tout cela est venu de façon détaillée. Fi hadith de Anas bin Malik. Dans le hadith de Anas bin Malik, qui est dans le Bukhari, à la hadith surah, de cette manière. Wallahu a'lam. Tayyib. Fahimna. Non. Puisque c'est chamel. Il n'y a pas. Il cherche. La zakat, c'est le haq. Même si tu n'as pas cela, tu cherches, tu achètes et puis tu donnes. Ça va? Si tu n'as pas, tu achètes et puis tu donnes. Maintenant, si tu as un qui dépasse, que tu veux faire sadaqa, la base, tu donnes cela, ça contient. Est-ce que vous avez compris? Non. C'est fini? C'est bon? On a très bien compris? D'accord, Inch'Allah. On va rentrer maintenant dans Zakat al-Baqar. Dans Zakat al-Baqar. Al-Baqar, c'est quoi? Les bovins. Bovins. C'est vous qui comprenez français, hein? Faut pas me mettre en erreur. C'est le groupe des bœufs. Les bovins. Aïwa. Qu'Allah facilite. Donc ici, la zakat des bœufs ne va pas durer parce que lui, il est très facile. Ça va? Lui n'est pas difficile. Ok? Il dit, وَيَجِبُ فِي سَلَاسِينَ مِنَ الْبَقَرِ. Il est obligatoire, فِي سَلَاسِينَ. 30 bœufs, تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ. Ça va? Tabi'un ou tabi'atun. Tabi'un c'est quoi? Tabi'atun. Tabi'un c'est le mâle, tabi'atun c'est la femelle. Tayyib, c'est walad al-baqar, c'est l'enfant du bœuf, alladhi akmala as-sana, qui a complété l'année, wa dakhala fi thaniya, et il est rentré dans le deuxième. Ça va? Il a complété une année et il rentre maintenant dans l'année en cours. C'est compris? Nam. Donc, c'est ce qui est tabi'atun. Wa zakar wal unsa, le mâle et la femelle, la farq. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, si tu as 30 vaches, ou bien 30 bœufs, ça va? À toi de choisir. Si tu as tabi'un, ou bien tabi'atun, tu donnes. C'est compris? Toyib, hein? Non, j'ai pas sauté. Je suis en train d'expliquer avant de continuer. Hein? On a dit Tabi, je dois expliquer ce que c'est. Ça va? Fi arbaïna musinnatun. Dans 40 bœufs, il y a ce qu'on appelle musinna. Musinna, c'est ce qui a complété 2 ans et est rentré dans le 3e. Ok? Wahi al-unsa, mais c'est femelle. Ça va? Toyib. Summa kazalik et ainsi de suite. Fanisab al-bakar. Donc le nisab des bœufs, c'est combien? C'est 30 bœufs. Wa aqallu min dhalika, mais moins que cela, la shay'a fiha. Il n'y a rien de zakat en cela. Ça va? Si tu as 20 bœufs, ce n'est pas de zakat à donner. Si tu as 29, tu n'as pas de zakat à donner. Il faut 30. On considérera aussi les petits, hein? Les enfants. Tout cela. Non? Hein? Oui. La même condition continue. Ça va? Donc ici, dans la hadith de Moaz, qui est long, Amar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a ordonné à Yahuda min kulli salasina bakara tabi'an ou tabi'atan. Dans chaque 30 bœufs ou bien vaches, il doit prendre une chamelle ou bien un bœuf ou bien une vache de 1 an qui est rentré dans sa deuxième année. Min kulli arba'ina musinna. Ça va? De chaque 40, il doit prendre ce qui a une femelle de 2 ans qui est rentrée dans la troisième année. Ok? Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah. Et c'est le hadith qui vient de la Qissa lorsque le messager d'Allah a envoyé Moaz. Et au Yémen. Le hadith vient dans plusieurs versions. Il y a d'autres, on ne détaille pas qu'est-ce qu'il a ordonné de prendre comme zakat. Mais il y a d'autres hadiths qui sont très longs où il les demande de prendre dans chaque 30 des bœufs. Il dit de prendre tabi'un ou tabi'a. Vous voyez? Et il détaille. Ça va? Naam. Ensuite, fi wa fi arba'ina musinna, on a déjà vu ça. Wama, j'ai sauté. Wa tabi'u waladul bakar, c'est l'enfant de la vache. Alladhi akmala sana, qui a complété l'année. Wa dakhala fi thaniya, et est rentré dans la deuxième année. Il faut bien t'asseoir comme les autres. Et est rentré dans la deuxième année. Enlève ta main au sol. Est rentré dans la deuxième année. Wa zakar wal unsa sawa la farq, le mâle la femelle c'est pareil. Wa fi arba'ina musinna, à partir de 40 il y a ce qu'on appelle musinna. Wa ma ba'da salasin, c'est-à-dire après les 30, min ihda wa salasin, de 31 il a tis wa salasin jusqu'à 39, kulluha awqasun la shay'a fiha. C'est awqas, comme on a dit, il n'y a rien. C'est-à-dire, si on dit 30, on donne tabi'un ou tabi'a. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. C'est la même chose qu'on donne. Ça va, ces nombres-là, c'est awqas. Ensuite, c'est à partir des 40 qu'on donne musinna. Vous avez compris? Ensuite, وما بينهما تبيع أو تبيع فإذا بلغت 40 ساتين maintenant 40 ففيها مسنة il y a maintenant ce qu'on appelle مسنة فستون فيها تبيعان أو تبيعتان à partir de 60 il y a 2 vaches de 1 an qui rentrent dans 2 ans ou bien 2 bœufs, c'est-à-dire le mâle femelle la yuhim. Ça va? J'ai sauté. Wal musinnatu Aïwa. Aleti akumala sanatein, wadakala visalis. Al-Musina, c'est ce qui a complété 2 ans et rentré dans 3 ans. Voyez al-Unsa. Fabayana sallallahu alayhi wa sallam al-Qadr al-Ladi yukhadu zakat al-Baqar. Il a clarifié ici la portion, c'est-à-dire, qui est dans laquelle on prend la zakat de la vache. Minkul li salathin, il a dit de chaque 30, tabi'una ou tabi'a, on prend tabi'una ou tabi'a, wa minkul li arba'ina musina. Ça va? Tabi'un, c'est la vache qui a 1 an et plus, c'est-à-dire, est rentrée dans 2 ans. Ensuite, ou bien, que ce soit femelle ou mâle. Taïwim, la farq. Maintenant, Moussina, c'est quelle? Il rentre dans 3 ans. Barakallahu fik. Donc, Fasituna, lorsque maintenant on rentre dans 60, fiha tabi'ani ou tabi'atani. Il y a 2 vaches de 1 an et plus jusqu'à 2 ans. Ou bien le femelle ou le mâle. Wa sab'un jusqu'à 70. 70, fiha tabi'un ou tabi'a. Tu choisis un, ensuite tu ajoutes moussina dessus. Ça va? Jusqu'à 70. C'est-à-dire à toi de voir. Si tu as une vache de 1 an et plus jusqu'à 2 ans, même s'il a atteint 1 an, qui n'a pas totalement atteint les 2 ans. C'est-à-dire, lorsqu'on dit de 1 an jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire l'année Hijri, lorsqu'on commence de Muharram à Muharram, ça fait 1 an. Maintenant, ce qui vient après, tu rentres dans la deuxième année. C'est-à-dire, c'est 1 an et plus jusqu'à 2 ans. Ça va? C'est ce qui est, ce qui rentre dans, ce qui a 1 an et rentre dans la deuxième année. Rentre dans la deuxième année, c'est-à-dire, de Muharram à Muharram, ça fait 1 an. Maintenant, après Muharram, le mois qui vient, si le mois qui vient, s'il a fait 2 mois, 3 mois après, c'est comme il est rentré dans 1 an et il est en train de aller dans la deuxième année, c'est de cela on parle. Ok? Ça y est. Donc, il choisit tabi'ani. Non, c'est tabi'una ou tabi'a. Et puis musanna. Lorsqu'il c'est 70. Ça va? Wasamanun jusqu'à maintenant à 80. Fiha musinnatan. Il y a 2 musinna. Musinna, c'est combien d'années? 2 ans. Et qui rentre dans la 3e année. Ok? Wahakaza, ainsi de suite. Ça va? Amma al-jawamis. Al-jawamis. Quant au jawamis, fa hukmuha hukmul bakar bilijma. Son jugement est comme le jugement des vaches. Al-jawamis, ce sont les buffles. Les buffles. Ça va? Vous connaissez les buffles? Non, c'est le même jugement que les bakar. Ça va, si tu détiens beaucoup de buffles. Hein? Nakalahu Ibn Munzir. Ibn Munzir a rapporté le jima. Fa tu'addu al-baqar wal-jamus shay'an wahid. C'est la même chose. Ça va? On compte le bakar avec le jamus, même chose. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a des vaches et puis la jamus, il met jamus là dans le nombre de bakar. Et puis il donne la zakat maintenant dessus. Ok? Jamou, c'est quoi? Bœuf. Kama anna jamal al-arabi. C'est comme la chamelle ou bien le chameau arabe. Wal jamal est aussi le chameau za sanamaini, qui a 2 bosses al-ifriqi, qui est africain. C'est la même chose aussi. Tu vois, il y a 2 chameaux qui a une seule bosse. Il y a d'autres, il a 2 bosses. Ça, généralement, on trouve en Afrique et dans d'autres coins. Mais les Arabes, eux, ont souvent 1. Ce qui a une seule bosse. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Yu'addu shay'an wahidan. On compte pareil. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, c'est bon? pour la zakat des vaches. Vous comptez, hein? Il n'y a pas de questions? Toyib. Après, vous pouvez écrire les questions et puis vous poser. Wayajibu fi arba'ina min al-ghanami shatun. Il est obligatoire dans chaque 40 de ghanam, shat. Ici, la fois dernière, j'avais dit mouton, mais c'est une erreur. Ça va? Al-ma'azu wadda'nu nafsushé. Ça va? Al-ma'azu wadda'nu. Al-ma'az, c'est les chèvres. Ça va? Et puis les moutons, qui sont les kharoufs. C'est nafsushé. Et ceux-là, tu les comptes de la même manière. Ça va? Et on va voir cela. Il a mis atin, bon, à partir de 40 jusqu'à 121. De 40 à 121. Ok? Il y a un seul mouton que tu donnes en zakat. Mais on commence à compter à partir de combien? 40. C'est-à-dire, si tu as des moutons avec des chèvres, si c'est mélangé, tu les comptes ensemble. Ça va? Si tu as jusqu'à 40, donc c'est que tu dois donner 1 jusqu'à 121. 41, 42, 43, jusqu'à 100, tu donnes 1. Jusqu'à 120, tu donnes un mouton. Ça va? Wa fi hashatani ila mi'atayn. À partir de 121, ça va? Jusqu'à 201. Ça va? Il y a deux moutons. À partir de 121 jusqu'à 201. 100. 120. Normalement, c'est 120. Quand on dit 120, ici, quand on dit 121, c'est à partir de 121 que ça change. Donc, c'est à partir de 120 qu'on considère toujours. Ça va? Donc, à partir de 121 jusqu'à 200, mi'ateini wa wahida. Jusqu'à 201, il y a combien de moutons? Deux moutons, c'est shatan. C'est compris? Wa fiha salas shia. Et il y a trois moutons jusqu'à il a salasin mi'ati wahida. Jusqu'à 301. Fafiha arba'un, il y a quatre moutons summa fi kulli mi'ati shat. Ensuite, chaque 100, il y a un mouton. Ça va? Et ça, c'est très facile de compter. À partir de 121, il y a combien de moutons? Hein? 120. Il y a combien de moutons? Un mouton. Ça va? Maintenant, à 121, ça passe à deux moutons. Ces deux moutons-là restent maintenant jusqu'à à 200. 200, c'est toujours dans les deux moutons. À partir de 201, ça fait trois moutons. Tu comptes maintenant chaque 100. 201, 301, ça fait 3 moutons. 401, ça fait 501, ça fait 5 moutons, ainsi de suite. C'est compris? Fekul li mi'atin chat. Mais le mi'a, on ne compte pas de 100 à 100. Parce qu'il y a un qui doit s'ajouter dessus pour qu'on passe à l'autre. Ça va? Mais ce n'est pas le nombre juste. Vous avez compris? يبين المؤلف الآن نصاب الغنم. Le مؤلف, l'auteur du livre, il clarifie ici le نصاب de quoi? الغنم. Le غنم. وهي 40 شاة. C'est 40 moutons. وتكون زكاتها. Et sa zakat, c'est شاتون واحد. C'est un seul mouton. وتبقى شاتون. Ça reste un seul mouton. Il a 120. Jusqu'à 120. فإذا بلغت 121 si ça atteint 121 qala wa fiha shatan. Il a deux moutons, il a mis atayn wa wahida jusqu'à 201. Ça va? 201 n'est pas dans le nombre compté. 201, on passe à autre chose. Vous avez compris? C'est jusqu'à 200 qu'il y a toujours deux moutons. C'est compris? Maintenant, 201, il y a jusqu'à 300, il y a 3 moutons. 301, il y a 3 moutons. Ça va? Ainsi de suite. Donc, qala, on a dit ici, wa fiha shatani ila mi'ati wa wahida. Famina mi'ati, 200 wahida wa ishrina ila mi'atein, de 121 jusqu'à 200 fiha shatan. Il y a deux moutons. Qala, ensuite il dit, wa fiha salasu shia, c'est le pluriel de chat. Il y a trois moutons, il a salasin mi'atin wa wahida. Jusqu'à 301. Fafiha arba, il y a quatre moutons, ils azada en salasi mi'a, si ça s'augmente à 300. Ça va? Summa fi kulli mi'ati shat. Ensuite, tu comptes si chaque 100, comme on a dit, il y a un mouton. On te donne le dessin ici. De 40 à 120, on a shatun, un mouton, n'est-ce pas? Summa, de 121 à 200, on a shatan, c'est ça? Deux moutons. Somma, de 201 à 300, on a trois moutons. Salas shia. Somma fi kulli mi'atin, yani 300 salas shia, 301 kadhalika ila jusqu'à 399. Ça va? Wala kan taqul min, tu peux dire de 100, de 201 jusqu'à 399, tu as trois moutons. Ensuite, 400 jusqu'à, ça, 4 moutons. Li annana nuqassimuha ila 400. Parce que on divise ou on partage jusqu'à 400. Vous avez compris? Wa kazalika, à partir de 401 jusqu'à 499, li annana iza qassamna ha ila mi'ati sayakunu fiha 4 faqat. Si on compte 100, c'est combien de moutons? 4 moutons, seulement. Jusqu'à 500, on a 5 moutons. Ça va? Wahakeza. Ainsi de suite. Hada huwa sahih. Voici ce qui est correct. Khilafan lil mu'allif. Khilafan lil mu'allif. Contredisant le mu'allif. Parce que le mu'allif, lui, il a dit, on compte de 1 à 1. C'est-à-dire de 200, 1 jusqu'à 300, de 400 et de 301 jusqu'à 401. Mais le cheikh il dit ici khilaf lil mu'allif, si on compte de 100 à 100, hadha huwa sahih. Par exemple, de 201 jusqu'à 299. Et puis on récupère 300, ça fait 3 moutons. De 301, de 300 maintenant jusqu'à 399, ça fait toujours les 3 moutons. À 400, on passe à 4 moutons. C'est-à-dire, le cheikh Ali Ramli veut dire quoi ici? Comptons, divisons par 100. C'est compris? Tant qu'on n'est pas rentré dans 100, on ne passe pas à l'autre. Si on n'est pas rentré à 400, on ne passe pas à 4 moutons. Si on ne rentre pas dans 500, on ne passe pas à 5 moutons. Ainsi de suite. Mafoum? Nam. Wada tafsil. Non. Si par exemple, de 301 à 319. Oui. De 300 à 399. Est-ce qu'on est dans 400? Non, c'est toujours les 3 moutons. Maintenant, si on passe à 400, ça fait 4 moutons. Ça va? Comptons sur les 100. Divisons par 100. 600. Si tu rentres dans un nombre de 100, c'est le nombre maintenant que tu regardes. Tu as seulement tes 2 euros. Si tu mets 4 sur les 2 euros, ça va combien? Donc tu as 4. 5 sur les 2 euros. Tu as 5 moutons. Ainsi de suite. Ça va? Now. Non, ici, l'âge du mouton n'a pas été signifié. Ça va? On dit chat, chat. Ok? Agneau. Qu'elle va passer vite. Ada wa sahi, wa huwa zahir al hadith wa qawl al jumhur. C'est ce qui apparaît dans le hadith et la parole du jumhur, de la majorité des savants. Wa ada tafsil wa al mazkur fi sahih al Bukhari. Ce détail-là est mentionné dans Sahih al-Bukhari fi kitabi Abi Bakr al-Ansi. Dans le livre de Abi Bakr al-Ansi, wa kaseer min hadhihi al-masail mujma'un 'alayha. Et beaucoup parmi ces masail sont yani un consensus. Ça va? Wa yashmalu al-ghanam. Donc le ghanam ici ça prend le al-ma'is wa ad-da'an. Wal-ma'is, al-ma'is c'est quoi? C'est malahu sha'run aswad, c'est ce qu'il y a. Sha'run, on dit des poils noirs. Ça va? Comme par exemple les cabris, les trucs. Wadanu ou al-kharouf. Adanu, c'est le kharouf, c'est le mouton. Zousouf al-abiyad, celui qui a des poils qui sont comme les laines blancs. Ça va? وهكذا يكون قد انتهى من ذكر نصاب الإبل والبقر. Donc il a fini ici de mentionner le nisab. Le nisab des chameaux c'est combien? 5. Et pour les vaches? 30. Et pour le ganam? C'est 40. Ça se suit. Ça va? 5. L'autre c'est 30. L'autre c'est 40. وذكر المقادير. Et il a mentionné les mesures. Ça va? On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, toujours dans le même bab. Là, on va parler maintenant de Ikhtilat, c'est-à-dire lorsque les mêmes djinns se mélangent. Ça va? Souvent, ce n'est pas les mêmes djinns, mais ça se mélange. Est-ce qu'il y a zakat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors donc, vous aurez des questions la semaine prochaine sur zakat al-Baqar. Et zakat al-ghanam. Il y a des gens qui ont fait exprès pour ne pas venir vite. On a posé des questions ici. Ils ne sont pas venus vite. Prochainement, ceux qui ne viennent pas vite là, on va garder les questions. Hein? Non. Non. Les nisab. Non. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire des conditions, ça c'est des conditions générales. Mais ici, la condition qu'on a mentionnée, c'est les conditions au sujet des animaux, c'est-à-dire zakatul hayawanat. Ça va? Sinon, parmi les conditions, il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il soit libre. On a parlé de ça ici. Il faut qu'il soit libre, ça va? Et qu'il soit un enfant ou pas, ça, on a dit que même s'il est enfant, il doit donner, on doit donner la zakat dans son, dans ses biens. Ça va? On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Naam? Par exemple, pour les bœufs. Naam. Si par exemple, la personne a 100 kg de bœufs. Bœuf. Bœuf. Chaque 40. Chaque 40. Il y a chaque 30 et puis il y a chaque 40. On a dit que pour chaque 40, la personne donne, on appelle ça, un petit bœuf, un petit. Qui a complété un an et puis dans sa année. Maintenant, pour chaque 40, la personne donne une femelle qui a complété les 2 ans et qui est dans sa troisième année. Non. Maintenant, par exemple, pour 110 là, est-ce que la personne peut donner 2? Est-ce que la personne peut faire le compte avec 40? Maintenant, les 30 qui va rester là, va pouvoir prendre ça dans le compte des 30 là. Non, s'il doit choisir un, il choisit un. Ensuite, pour faire le compte, oui, oui. Barakallahu fikum. Jazakum Allah khair. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته